Édition d'octobre 2013. Bienvenue à cette nouvelle émission du podcast des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Ici, l'automne est à nos portes. Les feuilles ont commencé à changer de couleur dans les arbres. Les plants de petites fèves, ou d'haricots, comme disent nos cousins d'Europe, ont commencé à sécher dans le potager. On mange des zucchinis de notre récolte depuis 2 ou 3 semaines. Les pommes de terre sont belles. Il semble que nous aurons quelques carottes. Heureusement, il y a la récolte à cette époque de l'année. Parce que, côté météo, c'est tristounet. Du moins, dans mon coin de monde. Quoique, la dernière semaine fut plutôt splendide. En passant, ne manquez pas d'aller jeter un coup d'œil sur mon nouveau roman jeunesse inédit, disponible sur Amazon dans sa version e-book. Il s'intitule « Rio du refuge ». Voici le texte de présentation. La vie n'est pas facile pour les nombreux enfants perdus de l'autre bourg. Rio est bien placé pour le savoir, puisqu'il a lui-même été abandonné par ses parents lorsqu'il était tout petit. Toutefois, bénéficiant d'un peu d'aide, il a appris à mentir, à voler, à courir très vite, bref, à survivre. Et puis, lorsqu'il est un peu trop recherché en ville, il se réfugie dans l'abri qu'il s'est fabriqué en forêt. Malheureusement, les choses se corseront rapidement pour le jeune Rio. Entre la visite destructrice d'Eurélie et les coups de pied vicieux des hurleurs de ce fou de dictateur, le garçon vivra des moments pénibles. Survivra-t-il à ses blessures? Dans une société rudimentaire entachée par la cruauté d'un puissant, un groupe de jeunes s'efforce clandestinement de protéger les innocents. Vous pouvez vous le procurer à www.amazon.ca. /DP/B00EZ3W8SU. Aristide Filiatreault nous offre ce mois-ci La route du pays fin. Tiré de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiatreault, les éditions de l'avenir présentent La route du pays fin. La paroisse de Sainte-Thérèse, qui a eu l'honneur de me donner le jour, est sandwichée entre les beignets de Sainte-Rose et les habitants du pays fin, c'est-à-dire ceux de Saint-Janvier. En partant de Sainte-Thérèse, le voyageur malchanceux qui se dirige vers ce village se rend par la côte Saint-Louis jusqu'à une montée de plusieurs milles de longueur où il ne pousse que des bleuets, de la fougère et du sable. À droite, le chemin de Saint-Lin. Un vendeur de machines à coudre, bien connu dans tout le pays, s'était rendu à Saint-Lin dans les intérêts de son commerce et il revenait de son voyage en voiture pour opérer une descente chez les habitants du pays fin. Rendu une certaine distance de Saint-Lin, il se trouva en présence d'un carrefour, 4 fourches de chemin, comme on dit dans le pays. Il ne savait de quel côté se diriger lorsqu'il avisa un jeune homme qui coupait des rondins dans la cour d'une maison de ferme. Notre voyageur descendit de sa voiture et, s'approchant du jeune garçon, lui demanda « Dis donc, jeune homme, peux-tu me dire où je suis ?»« Oui, monsieur. Vous êtes le tas des copeaux. » « Idiot. » Il remonta dans sa voiture et prit au hasard, au petit bonheur, l'une des 4 fourches du chemin. Quelques arpents plus loin, il vit un vieillard, grave comme un notaire de campagne, perché sur une pagée de clôture et fort occupé à se fabriquer un sifflet avec une branche de bois blanc qu'il gossait consciencieusement avec son couteau de poche. « Hey, le père, voulez-vous me dire où je me trouve à la clé ?»« Bon, je vais vous dire, monsieur. Je me suis donné à rente à mon garçon la semaine dernière. Et depuis ce temps-là, je m'occupe plus de rien en tout. Quelle vieille bête! Pourriez toujours bien me dire où ce chemin-là va? Ben, je vais vous dire, monsieur. J'ai 78 ans. Et j'ai pas honte de le dire. J'ai toujours resté ici. Ce chemin-là a jamais voyagé. Je l'ai toujours vu à la même place. Il n'a jamais été nulle part. Passons voir ce que Jean Seb a préparé. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, auditeurs et auditrices, ici Jean Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des éditions de l'Avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique, disponible sur le net. Aujourd'hui, je vais vous parler de plein de choses. Je reviens de vacances, alors je suis en feu pour ma capsule. Prenez 2 secondes pour vous trouver ce qu'il vous faut pour prendre des notes. Hey. Oui, le crayon gris avec le bouchon noir. Yep. Sharpie écrit dessus. Certain que ça fait l'affaire, mon grand. Approche ta chaise. Oui. Parfait. OK. Prends tes notes sur le frigo, ça va bien aller. Alors, on continue. Alors, avant de parler des autres, parlons de nous. Les éditions de l'Avenir présentent, qui produit et réalise le podcast que vous écoutez juste là, ce n'est qu'une infime partie de ce que le grand gourou de ce panthéon qu'est l'audio français au Québec et qui n'est nul autre que Christian Martin produit des audiolivres et de l'audiodrama gratuit et légal que vous pouvez télécharger en vous rendant sur l'avenir-audio.canalblog.com. Vous découvrirez une quantité phénoménale de productions personnelles, de collaborations avec d'autres sites réputés tout aussi fréquentables. Hey. Et, oui, tu peux prendre ça en note. T'as peu. Oui, l'avenir-audio.canalblog.com. Donc, je vous invite à visiter le site et le parcourir afin de faire des découvertes fantastiques. Tant qu'à parler des autres, parlons de moi. À mon retour de vacances, j'ai eu la surprise d'avoir un mail de Monsieur Walter Proof lui-même. L'homme le plus hétéroclite au sud du 60e parallèle, à la barre de l'inaudible lui-même, qui me dit d'aller voir le lien attaché au susmentionné email et de simplement confirmer mon intérêt, pas d'audition ou autre, juste que chez oui lui ferait plaisir. Hein? Que je me dis, que tu dis, comme je me dis? Je m'empresse donc d'aller voir ce qu'il en retourne et je découvre que la production de la breluche dorée s'arrête pile poil où elle est. On passe à d'autres choses. Oui, je sais, c'était cool, mais bon, il y a des décisions comme ça, hein. Mais Walter m'encourage, car il y a Éponyme ou la vie secrète de Colibacille. Je fais donc une petite recherche sur Wikipédia. Et on y dit que Colibacille, c'est une bactérie que l'on trouve communément dans les intestins des humains et des animaux. Il existe différents types de Colibacille, certains inoffensifs pour les humains, d'autres causant des maladies graves. Quant à Éponyme, on me dit que c'est le fait de donner son nom à quelque chose, un peu comme le mot poubelle vient du préfet de la Seine, Eugène Poubelle, qui en imposa l'usage. Monsieur, hein? Il faut-tu tout savoir ça? Hein? Non, pas besoin de prendre ça en note. Non, t'es pas obligé de prendre ça en note. Faut juste se souvenir de mettre à la poubelle tout ce qui ne se recycle pas et qui ne se composte pas. Mais tu peux cependant écrire Colibacille audio. Oui, sur le frigo. Excellent. Avec ton Sharpie, oui, parfait. Ainsi donc, quelques acteurs de la breluche seront de facto dans cette distribution aussi. Mais de plus, Walter m'a joyeusement ajouté comme personnage dans cette production, qu'il devra bien sûr remasteriser. C'est-tu pas fin, rien qu'un peu? Je citerai donc un grand de sa monde qui disait « Mais dites-moi pas que c'est pas vrai que j'y crois pas! Je ne sais même pas si j'aurai un rôle prédominant dans l'histoire. Dans la version officielle, j'y suis nulle part. Encore, mais... Merci, Walter. Le professeur Glutamate dans un roman déjà écrit par Walter Proof. Ce sera de la grande radio. Pour ce qui est de la distribution, c'est déjà sorti. Il y aura donc... Alors on commence par les rôles épisodiques, ceux qui n'interviendront qu'une fois dans un épisode. Par exemple, Jean-Paul Braillard, le chroniqueur boursier. Ce sera Raoulito. Commandant de bord, c'est Narguilé. Et bien le commissaire Picachiette, ce sera Minaret. Le commentateur, ce sera Nelson. Et Pierre et Valentine, Nico Tup et Laure. Alors le reporter, ce sera l'ami Vincent. Quant au présentateur de LGI, la grosse info, ce sera Johnny Pigeon. Le pharaon Toto 4, ce sera Lams. Geneviève, la secrétaire du colonel Dupont de l'Alma. Cocorette, tu te souviens? L'hôtesse de l'air de la Breluche Dorée. Quant à Doris, la volage épouse de John McConcierge, là aussi il y avait du beau linge. Eh bien, Doris sera interprétée par Tamala 75. Reste le connétable, autorité suprême du golfe Brésingue. Le connétable qui aura la voix de Lionel. Et le commandant Poupougne, Slyvoon. Voilà pour les personnages épisodiques. Nous arrivons aux récurrents. Ceux qui interviendront dans plusieurs épisodes. Au moins deux, parfois plus. Il y a ceux que tu connais déjà, hein, qui étaient dans la Breluche. Le colonel, Joséphine Baker. Le professeur von Glutamate, Jean Seb. Ou Jimmy Carlton, Kenton. Et puis maintenant, les nouveaux. Celui qui jouera Borken, le hacker, ce sera Blast, Anselme Gougnafier, Laurent Doucet. Alors, mais qui c'est-il que ce sera-t-il, anaphylactique, hein? Didouille. Alors après, il y a le comte. Eh oui, Sigismond Albert, comte de Courtepaille. C'est lui, Helmut von. Il y a l'américain John McConcierge. Pour Larico, Pop Gozovza. Pour Tergeist et Galinéo, Lulu et Cousbou. Et pour John McConcierge, Phileas. Arnaud Futur. Eh bien, pour Arnaud, celui qui m'a bluffé, c'est l'ami Twenster. Bon, ben on arrive au bout, hein, petit à petit. Reste quand même le rôle principal, Colly Bacille. Je te le dis ? Eh ben, ce sera notre ami Delphine. Bon, tu la connais, Delphine, hmm ? Ben oui, c'était Georges dans la Breluche. Ah oui, oui, oui, oui, on a une Colly Bacille enfant aussi. Ouais, ouais, c'est vrai, Colly Bacille a 7 ans. Mademoiselle Obi sera donc Colly Bacille enfant. Voilà, juste à t'abonner à l'inaudible, si c'est pas encore fait, et à attendre que ça tombe tout rôti dans les oreilles. Elle est pas belle, la vie ? Allez, je te fais des bisous, et je te donne rendez-vous très bientôt pour le premier épisode de La vie secrète de Colly Bacille. Ailleurs, de quoi ça parle? Attention, plein de notes à prendre ici. La saga de l'été est terminée chez Netophonix. Il y a eu du pas pire bon stock. J'ai été faire mes votes. Et puis pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire avant le 5 octobre, sachez que l'échéance pour vos votes a été étirée jusqu'au 19 octobre. Donc, il est encore temps, mais faites ça vite. Alors, les sagas qui ont été retenues, puisque complètes, Red Pause de Coupi, Dystopie de DJ Tim, Oncle Molly de Matsama et Grimm, Immigration temporelle de The Chaff, One More Stage de Lilaki, Kidamus de Démoniac Melodia, de Daron, Ilo, Carf, Persil, Suzushi, Waret et Yumena. Tuez-les tous de Kokomog. Le vol de Yann. L'affaire du manoir Glasgow de Baggy, j'en ai déjà parlé. 2025, notre père leader de Life for Book. Ultime dernière vengeance de la mort, 7 par Orin et Alsag. Certaines sagas n'ont pu être terminées à temps et qui sont vraiment, selon moi, à terminer. Il s'agit de Tessa, par Jaryl Cœur Intrépide, de Valkyria, Archa Firmata, de Darkwing et Raoulito, La Marée Verte, de Boa. Raoulito, oui, fait partie de la Breluche aussi. Alors, si vous désirez faire vos votes avant le 19 octobre, sachez qu'il vous faut choisir une saga pour le meilleur scénario, le meilleur jeu d'acteur, la meilleure ambiance, la meilleure qualité audio et l'encouragement estival 2013 qui sera à vous de voir. Oh, en parlant de vision, sur iTunes, le podcast Convergence numérique, que je découvre à peine et qui est déjà rendu à son 50e épisode, il s'agit de l'ancienne Minute Apple, qui est rendue maintenant Convergence numérique. C'est très agréable à écouter. Maintenant, c'est vraiment plus diversifié. Ils ne sont pas limités à Apple. C'est très, très, très agréable. C'est très bon, très professionnel. Donc, 50 épisodes de bonheur. Pour ceux qui font des sagas, qui font des histoires, qui font du remaniement d'audio, j'ai découvert un très beau site. C'est du vidéo, mais ça nous touche directement. Il s'agit de libertivi.com. LIBERTIVI.com. Hey, monsieur! Oui, monsieur. Exact, tu t'en vas là. T'as peu! Ouais, tu cliques sur la première icône, ça s'appelle le Labo du Bruiteur. Donc, en vidéo, il nous montre toutes sortes de trucs qu'on peut utiliser si on veut avoir des sons, si on veut avoir du vent, quelqu'un qui marche. Bref, je vous laisse découvrir ces vidéos-là. Vous apprendrez plein de choses très intéressantes qui, à un moment donné, il nous manque un effet, il est pas tout à fait comme on veut. Allez-y, ça donne plein d'idées. C'est fantastique. Je vous invite, en passant, si vous désirez découvrir de nouvelles sources d'audio, de faire des recherches sur les stations de radio hertziennes sur le web. Tapez radio, podcast, émission, rediffusion. Soyez ingénieux, donc les sites de radio publics ne diffusent pas tous leur contenu sur iTunes, mais depuis leur site web, il est possible de s'abonner à leur flux RSS. Personnellement, moi j'ai découvert CIBL 101.5, j'ai déjà parlé de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Je suis en train de découvrir ça, c'est vraiment une belle source, j'ai d'essayer quelques épisodes et puis à un moment donné on trouve ce qu'on veut. Et voilà, wow, le temps passe vite. Ok, c'est tout le temps que j'avais pour cette semaine. Ouh, 10 minutes, ça passe vite, hein? Quand on est plusieurs, c'est plaisant. Alors, à la prochaine, à vous les studios! Merci Jean-Seb. Mentionnons que la musique utilisée par Jean-Seb est signée Kevin MacLeod, tinkopetech.com. Dans le cadre du feuilleton, nous poursuivons l'aventure de Lestrade, agent très spécial, avec le 4e épisode. Les éditions de l'avenir présentent Les aventures de Lestrade, agent très spécial par Christian Martin. Il parcourt toute la galaxie en quête du scélérat. Il affronte les bandes de malfrats en voie du pugilat. Il déteste les congés payés, ce qu'il aime c'est l'action. C'est pourquoi il est rassuré quand il voit son patron. Lestrade, agent spécial. Il jubile, il frémit de joie quand il voit son patron. Lestrade, agent spécial. Le meilleur, le plus fin limier, il ramène tout la rançon. Quatrième épisode, le club des longs couteaux. Dans les précédents épisodes, Lestrade, agent très spécial, est chargé de retrouver la fille du ministre des Finances de Trajan qui a été enlevée en plein astroport devant plusieurs témoins. Son unique piste, la signature du propulseur du yacht ayant servi au ravisseur, le conduit à l'usine spatiale d'Issub, où il apprend que ce type de propulseur n'est vendu qu'aux chantiers spatiaux de Lubdox. Les s'y rend donc. Avec l'aide de Gus, il apprend que le yacht ayant servi au kidnapping appartient au comte Ratula, un habitant de la planète Geuse. Après avoir visité le Sanguin, le yacht spatial incriminé, et y avoir trouvé la preuve que la victime a bien voyagé à son bord, Les rend une petite visite officielle au comte,

Rappelons enfin que vous retrouverez toutes nos productions audio à lamneraudio.canablog.com. Merci de votre attention et à bientôt.